Question. Est-ce possible de ramener un corps à la vie par des procédés contre nature? La réponse est oui, du moins partiellement. Est-ce possible de donner l'intelligence ou minimalement de rendre une forme de vie moins stupide? La réponse est non, difficilement. Sinistros est une créature impossible à rendre plus intelligente qu'une bûche. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque l'assistant est une bûche. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause Pendragon said so. Good old heavy metal. Go. to see from a land of gold and ice. We steal and black people, we paid a very high price. To cast as slaves and to press our souls. Stealing from the back, took them under control. Battle cast me hard, calling out of the distance. Cast them to hell, as the bomb of the swell. Our ships are like the moth in the firelight. This fleet like dirty dog in the darkness of the night. We never, never, never ran away. Forever, ever, we will stay. From east to west, from north to south. Brave men follow me. Across the land, across the sea. We die to be free. We will never be strangers. We will never surrender. Rebels we came, but we are still the same. In our hearts we free, defeated our land. Kindred of the storm, blood running to the sand. We carried out the flag against all enemies. We destroyed the tyrants, our victories. We never, never, never ran away. Forever, ever, we will stay. From east to west, from north to south. Brave men followed me. Across the land, across the sea. We died to be free. We will never be strangers. We will never surrender. As rebels we came, but we are still the same. As rebels we came, but we are still the same. As rebels we came, but we are still the same. As rebels we came, but we are still the same. As rebels we came, but we are still the same. Je ne souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 15 octobre de l'an de disgrâce 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je serai minimalement jusqu'à 22 heures en compagnie de ce pestilentiel bûche. Je suis rendu une bûche. Et oui. Mais c'est une évolution dans mon système. C'est absolument. C'est bien. Tu devrais en être heureux. Tu es parti de matière. De gobelin. Purement organique à maintenant quelque chose de un peu plus organique. Mais c'est le fun. Je suis capable de transformer la matière et la contrôler. C'est La contrôler, c'est une autre histoire. La transformer, peut-être, dans ton cas. Ben oui, en fait, oui, tu transformes certaines matières dans ta litière régulièrement. Et maintenant, si je suis une bûche, je vais essayer de pas me brûler. Oh. Je vais essayer de pas chauffer la morgue avec, avec ton toi-même. Il est 19h19. 19 secondes! Hé! C'est de la magie, ça? Oui, c'est un signe. C'est le signe que... De la bûche. Que tout à l'heure, il sera 19h20. C'est ça. On vient d'entendre un court bloc de heavy metal. Pourquoi un court bloc, contrairement à mon habitude en ouverture d'émission, c'est que... Parce que la semaine passée, t'en as fait un trop long. Ouais, c'est ça, je raccourcis l'émission pour faire une balance annuellement. Donc, il y a des émissions qui peuvent durer 3h30, dont d'autres qui peuvent durer seulement 20 minutes. C'est ça. On fait une moyenne à travers les 12 mois. Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai quand même des blocs un peu plus longs. Et puis, je me suis dit, bon, dans mon immense clémence et bonté, je me suis dit, Sinistro, il y aurait probablement quelques niaiseries nous passer. De cela, un court bloc de 3 pièces, dans lequel, à l'instant, nous avions entendu la très bonne formation britannique Satan et la pièce Incantations que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation, ce quelques pratiquement 30 ans plus tard après le dernier album, soit Life Sentence, qui est paru un peu plus tôt, en 2013, enfin je dis un peu plus tôt, on parle de quelques mois là. Je sais plus sur quelle étiquette, par exemple. Je pense que c'est Scandalight ou... J'en ai aucune idée, j'ai oublié de le marquer. Mais là, j'ai mon monocle, je pourrais voir... Ben oui, t'as ta paire d'yeux. Listenable Records. Voilà. Juste auparavant, nous avions Gravedigger et la pièce Rebels, que l'on retrouve sur l'album The Clan Will Rise Again, qui est paru en 2010 sur Napalm Records. Et nous avions ouvert avec une pièce qui a 33 ans. Tigers of Pantang, oui. Tigers of Pantang, la pièce d'ouverture de l'album White Cats, ou Euthanasia, qui est paru en 1980 sur MCA. Tu vois, ça, c'est le genre de band que je suis content de redécouvrir. Puis, en fait, pas que j'ai oublié les formations en tant que telles, mais j'ai oublié de les écouter. Ben, c'est ça. La quantité de stock qu'il y a eu à un moment donné. Ouais, effectivement. Et sachant ce qui sort présentement, c'est d'une très grande pauvreté. Ben, je te dirais souvent, effectivement. Oui, mais des fois, c'est le fun de faire un retour aux sources. Oui, je trouve ça le fun. Puis je me disais quelque part, ben, comme on disait la semaine dernière, ça me donne l'impression de dire, Ah, je redécouvre le band, tu sais. Puis d'aller voir, ah, ben finalement, je ne l'avais pas suivi. Je vais aller voir ce qu'ils ont fait après. Ouais, des fois, c'est quand même bien, tu sais. Ce soir, on a une émission qui est quand même relativement chargée, comme à l'habitude. J'aurai une chronique cinéma qui va être raccourcie parce que je n'ai pas pu faire mes mises à jour, parce que nous sommes dépendants de notre fabuleuse technologie d'information, entre autres Internet. Mmh. Et chez nous, elle ne marche pas. Pis ça, c'est enrageant, hein? Ben, c'est parce que... Ben, ce qui m'enrage le plus, c'est, tu sais quoi, c'est de savoir que je paye pour de quoi qui ne marche pas. Ouais, c'est ça. Bon, probablement que ça va être établi. Donc, je n'ai pas toutes mes mises à jour disponibles présentement. J'en ai quelques-unes, mais bon. Et je vous présenterai le nouvel album de Death Angel, The Dreams Calls for Blood, soit 4 extraits tirés de ce merveilleux album auquel j'ai donné un 9 sur 10. Et oui. Et tant qu'à toi, Sinistros, je regardais ça ta playlist, là, comme ça, vite fait, là, ça va être pas mal poche, hein? Comme d'habitude. Au moins, t'es fidèle à toi-même. Oui. Mais... Tant qu'à avoir des choses plates et poches, aussi bien y aller tout de suite. Ben oui, on va mettre quelque chose qui bûche. Oui, la suite dans les idées. Eh oui. Petit bloc de death metal. Mm-hmm, de métal sourd. Oui, du métal de sourd. Okay. Pour être sûr que vous vous réveillez un petit peu. Là, mm-hmm. Pour vous déboucher les oreilles, finalement. Les oreilles. Oui. Ah, c'est le truc qu'on a pu, toi et moi. Oui, c'est ça. Okay. Mais nous autres, ça fait... Oui, c'est ça. T'as toujours l'impression que notre pièce est bonne, c'est le temps la même qui passe. Ah, c'était ça au Metal Fest. OK, oui. Je viens de comprendre certains groupes. C'est bon. D'ailleurs, petite parenthèse, tout à l'heure, nous aurons une petite appréciation live du dernier événement du Metal Fest. En fait, pour moi, pour la moitié du festival, pour Sinistros, pour l'entier. Ouais, toi, c'est la moitié de vendredi puis la moitié de samedi. La moitié. Ah, ben, je pensais que c'était l'année passée, j'y avais été, ma dernière fois. Body Form avec la pièce The Well of Decay qui est tirée du dernier album de Coming Scourge qui est paru il y a quelques mois sur Cyclone Empire. Ça sera suivi d'un paquet de niaiseries comme d'habitude. Finalement. Ben oui. Ah, allons-y, Body Form. Go! Go. Fire! Intelligente, allumée, sensible, cultivée, lucide, curieuse et surtout, elles ne se prennent pas au sérieux. Venez partager avec eux votre latte du lundi midi dans leur univers précieux mais non moins ridicule. Les précieuses ridicules, le lundi de 13h à 14h sur les ondes de C'est Fou 89.1. Vivez l'événement cinématographique de la rentrée. Voyez la vie d'Adèle, chapitres 1 et 2 d'Abdelhadif Kechiche. Voyez le film gagnant de la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes. Une troublante histoire d'amour dont tout le monde parlera. Écoutez C'est fou et courez la chance de gagner des laissez-passer. La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, au cinéma dès le 11 octobre. À l'occasion de l'Halloween, profitez-en pour vous faire une bonne dégustation de bière de La Barrique entre amis. Lisez votre journal Zone Campus et écoutez la radio C'est fou pour connaître l'indice. Houblon. Et ainsi courir la chance de gagner un magnifique panier cadeau. Tirage le 31 octobre. La saison froide approche, réchauffez-vous. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. C'est fou. 89.1. h 45. Je vous souhaite la bienvenue à Réanimation. Hey, allez tous vous faire foutre. À la semaine prochaine. Tu sais, ça fait des beaux condensés, ça. Oui, c'est... Short and sweet. Ça fait bonsoir, à la semaine prochaine. On pourrait peut-être même en faire deux, trois dans la même soirée. Oui, ça serait très bon. Puis on se taperait des journées de congé après ça. Ça, je vote pour ça. Comme si c'était une pénitence, tu sais. Ce qu'on vient d'entendre, Sinistro, c'était quoi, là? Ben, Jungle Rot. Hey! Jungle Rot qu'on a pu voir au Trois-Rivières Metal Fest vendredi qui vient de passer. Oui. Qui était, ma foi... dernier. Oui, vendredi. Oui, oui le petit dernier, c'est ça. C'est cela. Qui, ma foi, ont fait une performance plus que dans l'île. Mm-hmm. Et c'était la on pièce... en reparlera tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça. C'était la pièce Ruthless Omnipotence tirée de l'album Terror Regime. Finalement, le dernier album de la formation qui est paru en 2013 sur Victory Records. Très bon album en passant. Mm-hmm. Sorcery avec Maculated Life, tiré de l'album Arrival at Six, également paru en 2013. Moi, j'aime ça, cette espèce de death and roll là. Ben, ça ramasse sa bûche, puis c'est paru sur Extreme Music. Et tout le bloc est 2013, en fin de compte. Bon, fait que tu peux laisser faire de dire que... L'année, oui, effectivement. Quelle année déjà? Tout est cette année, OK? OK. Tormented, The Funeral Fire de l'album Death Awaits, paru sur Listenable Records. En quelle année? Je ne vous le dis pas. Ah, oh, Tribulation. Tout mélangé. Oui, c'est tout mêlé, là. Tribulation avec la pièce Spectres, tirée de Formulas of Death, qui est paru sur Invictus Records. Et Bodyform des Pays-Bas avec The Well of Decay, tiré du dernier album de Coming Scourge, qui est paru également cette année sur Cyclone Empire. Et de là, il veut dire 2013. Oui. J'ai tout compris, finalement. Mais c'est quand même pas si pire, hein? J'explique quand même très bien. Ça. Oui, effectivement. T'es aussi, regarde, je passerais tous les examens, c'était toi le professeur de la vie. Oui, ce serait possible. Ou j'abandonnerais tous les cours, hein, les deux. Ben, peut-être un petit peu des deux. Écoute, la seule, je dirais, écoute que j'ai fait de nouveautés, moi, récemment, depuis mardi dernier. C'est tout bon, toi. C'est le nouvel album de Hate Sphere. Moi, personnellement, j'ai écouté l'album au complet. Moi aussi. Je connaissais plus ou moins la formation, puis j'ai compris pourquoi que je la connaissais plus ou moins. Parce que possiblement qu'à chaque écoute d'un album qui sort, c'est le même constat que je fais. Ça décolle pas. Ben, ça se dégrade. Ouais, ben c'est ouais. Écoute, depuis l'avant-dernier album, dont j'oublie le titre, ce n'est plus le même chanteur qu'initialement. Chanteur initial... J'ai recherché tout à l'heure pour avoir son nom précisément. Avait, je dirais, amené quelque chose de positif ben, au band. Un petit oomph, là. Oui, c'est ça. Par contre, puis j'ai tous les albums de Hate Sphere, et je me suis rendu compte à un certain moment donné qu'au fil des sorties, qu'il y avait une dilution de qualité et que ça devenait de moins en moins puissant. J'ai écouté Murder Last, qui est sur l'étiquette Massacre Records, qui est sorti il y a quelques temps à peine, et le nouveau chanteur, qui quand même était, je dois dire, correct dans l'avant-dernier album. Ici, je le trouve vraiment, mais vraiment fatigant. Oui. Un thème de voix qui a quelque chose qui me revient pas du tout, mais les pièces sont très ordinaires. C'est mou. C'est ordinaire. Oui, c'est ouais. très... Donc, moi... Regarde, je le présenterai même pas à l'émission. Ben, ça m'a fait le même effet sur le précédent album de Hate Sphere. J'avais écouté, j'avais pas embarqué là-dedans pendant tout. Celui-là, je m'ai donné une petite chance au coureur, mais là, c'est parce qu'il avance pas, il recule, le coureur. Je suis d'accord avec toi, ça recule. Donc, moi, j'ai donné seulement un 6.5 sur 10 parce qu'il y a des moments de pièces que je trouvais que la pochette est cool. La pochette est cool, mais c'est un album qui, je crois de mémoire que l'avant-dernier, je lui avais donné quelque chose comme 7 ou 7.5. Fait que tu vois que ça régresse, là. Ben, il y a des albums comme ça, hein. Eh oui. Il y a des bandes comme ça aussi. Cette fois-ci, nous allons continuer. N'ayez crainte, vous aurez notre appréciation du Metal Fest. Vous aurez aussi les chroniques du Undead Box Office. Undead Box Office. Ben oui. Mais avant, je vais vous présenter quelque chose qui, pour moi, sera certainement et à coup sûr un des albums de mon top 10 au niveau métal. Parce qu'on sait que j'aime beaucoup ce qui se fait dans la pop et puis dans le dance music, évidemment. Mm-hmm. Tu sais, mm-hmm. Je suis un grand consommateur de mon ça. Mon tripeux de Kylie Minogue, toi. Qui c'est ça? C'est ça. Voyons donc, tu te dis. Ah, ben oui, je vais la replacer. Ah oui, là. Elle, ouais, là. Ouais. T'as pas un ancêtre, elle qui est revenue à un moment donné, ça? Peut-être. Ouais, je pense que c'était. Je pense que oui. Ouais. C'est faux, hein? Je suis pas un amateur de tête sur le cycle de pop. On avait compris. Mais peut-être qu'ils n'ont pas tout compris. Ouais, il y en a qui sont peut-être pas vite, c'est sûr. Ouais, ça se pourrait. Mais toujours est-il que dans le métal, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Cette année, c'est une année qui est relativement pauvre en sortie vraiment wow de qualité, tu sais. Ben, ce qui est sorti de bon, et bon, c'est wow en qualité. Oui, mais c'est parce qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a pas énormément. C'est ça. Donc, dans mon top 10, c'est certain que je vais avoir l'album de Dream Calls for Blood, dernier album de Death Angel, parce que moi, j'ai vraiment accroché cet album-là. Je suis pas un grand fan de Death Angel. Mais je vais t'avouer, je l'ai écouté une fois, venir jusqu'à maintenant, peut-être qu'avec deux, trois écoutes... Non, mais tout en temps... Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Non, mais moi... Mon fleur est gronde, c'est peut-être pour ça aussi. T'es sûr que t'écoutes de quoi, toi? C'est de la musique, t'as quand même. Tu vois sur l'écran que c'est affiché telle band, telle chanson. Telle chanson, ça va faire. T'as pas là. Voyons, maudit grain dans la marde. Ouais, c'est sûr. Ça sent tout pareil, ces groupes-là. Moi, j'ai accroché tout de suite. Ça se peut que ça te prenne une couple de coupes, mais c'est vraiment un très bon album. Écoute, je trouve que l'ensemble, autant la présentation de l'album, la qualité d'enregistrement, que les pièces sont vraiment, vraiment bonnes. Cet album-là, j'ai donné un 9 sur 10. Puis je dis ça, là. Puis je vais te le certifier. Je vais donner un 9 sur 10. Ah, ouais, c'est ça. Si patine. On va entendre les quatre premières pièces, soit Left 4 Dead, Son of the Morning, Fallen et The Dream Calls for Blood. Death Angel, go! cherches. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région de Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Vivez l'événement cinématographique de la rentrée. Voyez la vie d'Adèle, chapitres 1 et 2 d'Abdelhadif Kechiche. Voyez le film gagnant de la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes. Une troublante histoire d'amour dont tout le monde parlera. Écoutez C'est Fou et courez la chance de gagner des laissez-passer. La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, au cinéma dès le 11 octobre. Check ça, Mathieu. On a reçu ça par courriel. Bigger, harder, enlarge your ass, wreck. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça? Ben, il y a juste une façon de le savoir. Clique dessus. Aïe aïe, on a fait pousser notre émission. C'est Fou vous offre maintenant 3 pouces, 3 heures d'assemblage requis chaque matin. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. On dirait que t'es parti de 7h30. Ah Mathieu, finalement c'était vraiment poche comme concept de pub. Ouais! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est Fou. h 12. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à réanimation. Et sur ça, allez tous vous faire foutre. À la semaine prochaine. C'est trop drôle, ça. C'est niaiseux, mais c'est trop drôle. On a du fun. Eh oui. On vient d'entendre la formation Death Angel. Et les quatre premières pièces tirées du dernier album qui paraissait aujourd'hui, ça, The Dreams, The Calls for Blood, qui est paru sur l'étiquette Nuclear Blast, soit les pièces suivantes, The Dream Calls for Blood. Conceptuel. Auparavant, Fallen, Sons of the Morning et Left for Dead en ouverture d'album. Je trouve ça tout simplement excellent. Excellent. Et toi? Plus ou moins. Toi, t'as pas de goût, c'est pas pareil. Je sais. Bon. Avant de faire la chronique cinéma, que je vais faire un peu plus tard, j'aimerais que nous donnions une certaine chronique du Metal Fest. Chronique. Chronique du Metal Fest 13e. J'ai de la misère avec mon monarque, moi, là. Ouais, ça doit être comme ça. C'est pas facile d'avoir juste un œil, là. Ouais, mais c'est pas en arrière que ça va, ces trucs-là. Ok, t'es peu. Ah, ben oui, alors, ouais. Ah! Donc, chronique du Metal Fest 13e édition, à laquelle, moi, je n'ai assisté qu'une seule soirée, parce que je suis... Tu es vieux et que ouais, t'es pas tough. Non, c'est parce que j'ai été comme essayé d'un violent virus, puis je vais te passer les détails, OK? OK. C'était pas chic, pas de suite. Mais toi, tu as assisté aux deux soirées. Oui. Donc, commençons avec le vendredi. Oui. Ben oui. OK, il faut que j'y aille. Ben, donc, tu peux bouger d'y aller, c'est fini. Là. Tu peux juste rester ici pour en parler. Est-ce que tu veux que j'y aille ben par ben ou j'y aille avec les points forts et... Ben, écoute, je te laisse libre cours. Là. C'est ta section d'appréciation. Tu y vas comme ça. Je l'ai écrit sur Hurlemort. Je vais y aller vite. Premier ban, tribunal. Ben, c'est long, ton affaire. Là. OK, c'est fini. Terminé. Fait que c'est ça. Ça, c'est un band qui a gagné le concours de Star Academy. Pardon, Metal Academy. C'est cela. Je m'a passé le trip des histoires de concours, parce que moi, je trouve que la musique, c'est pas une compétition, mais bon, en tout cas. Mm. Parmi toute la flopée de ces bands-là qui participaient à ce concours, ça méritait une place au Trois-Rivières Metal Fest, je comprends pas comment ça se fait que c'est le moins sérieux de la gang qui a réussi à passer. Mais est-ce que tu as vu les autres? Ben, je suis allé voir sur Internet ce qui se passait avec les participants. Pis ça semblait être pas mal toutes des bandes qui veulent quand même essayer de faire de quoi de professionnellement, sérieusement, quand même pas pire. Là, musicalement, Tribunal, c'était quand même très bien. C'est pété. C'est original, un peu expérimental, un mélange de death, de grind. Là où ce que ça s'est gâté, c'est au niveau gamique, costume. Ça, non. J'ai rien contre les costumes. Il y en a que c'est très bon, il y en a que c'est bien correct. Ça, c'était juste. Non. Okay. C'était comme mauvais goût un petit peu. Là. D'accord. Ça, puis l'autre chose qui m'a déplu, c'est que le band, ils se dénigrent, ils s'auto-dénigrent. Ah, oui? On est le groupe le moins bon de Montréal. Déjà en partant. Tu viens de me perdre en partant. Ouais, disons que c'est pas très vendeur. Puis, achetez pas nos t-shirts, on est un band pas très bon. Là. C'est, ben, c'est correct, je n'irai pas acheter ton t-shirt. That's it. On n'en parle plus. OK, bon. Ben, c'est à peu près ça. Okay. C'est, moi, c'est un point que je n'ai pas apprécié du vendredi soir, disons. Mm-hmm. La soirée a bien débuté, comme du monde, avec On Human, que je ne connaissais pas, puis j'ai trouvé ça. Quand même très, très bien, avec un genre de death metal très technique, voire presque progressif. J'ai comme pogné mon air un petit peu. Là. Mm-hmm. J'ai trouvé ça très bon. Après, On Human, c'était Holo. Holo, ils font une espèce de black metal symphonique avec quelques petites consonances un peu plus commerciales, disons, là. Le système de maquillage, c'est vraiment cool. C'est vraiment hot ce qu'ils ont, là. C'est, ben, c'est une espèce de undead, là. Ben, c'est cool. T'sais, le guitariste, il a l'air d'un squelette. Là, ouais. C'est vraiment hot, là. Point de vue show, c'est vraiment showman, là. Petite affaire qu'il devrait peut-être avoir un deuxième guitariste, parce que quand le guitariste tombe sur ses autres guitares, ça tombe très vide. Oui, c'est vrai. T'sais, c'est comme il manque comme de ouf, là, tu sais. Mm. C'est un bon spectacle. C'est pas de la musique que j'écouterais tout le temps chez nous, là, mais tu sais, ils font une Christy de bon job en show. Beyond Creation, ça, c'est une autre surprise de la soirée. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement très intéressant, surtout au niveau musical. Où qu'il y a Dominique Forest Lapointe à la basse, qui a eu un gros problème avec sa basse. Puis, je suis toujours étonné de voir un gars comme ça, où ils font de la musique bien, bien technique. Ils arrivent en plein milieu de la chanson avec sa basse, puis ils commencent exactement ce que les gars sont rendus. Là, c'est vraiment professionnel. Puis très technique, des musiciens qui en jettent, disons. C'est une très bonne découverte. Blackguard, en spectacle, Blackguard, c'est toujours très efficace, même si moi, c'est un style de métal que j'aime moins, parce que je trouve ça un petit peu trop gentil, là. Mais le chanteur, c'est un sacré frontman, puis la fille qui drame en arrière, elle t'approche pas mal. Là, mm-hmm. Somme toute, ils font un très, très bon spectacle, puis c'est cool. Jungle Rot. Disons qu'ils ont comme donné une pichenote à tout ce qui était passé avant. Là, ça a comme... ils ont comme passé le balai assez rapide, là, tu sais. Même le rotoculteur, je pourrais dire. ça l'a varlopé pas mal solide. C'était aussi bon que la fois où on les avait vus au Fauvon électrique avec des sides. Le son était pas terrible en commençant. Ça s'est replacé durant les deux, trois premières chansons. Jungle Rot, une de mes highlights. De tout le festival, même. Voivode. Je sais pas si la foule était trop assommée par le coup de masse de Jungle Rot, mais la foule semblait pas trop réceptive à Voivod, qui pourtant, Voivod a donné une de ses meilleures performances, en tout cas du moins à ce que j'ai pu voir les trois fois que j'ai vu Voivod, soit en 91, en 2008, puis en 2013. Un set totalement magistral, si on pourrait dire. Avec deux, trois pièces de Killing Technology et deux, trois pièces de Dimension Atroce, puis pour finir le set avec la pièce Voivod. Joué beaucoup de pièces du plus récent album, puis je vais vous avouer que live, ça sonne autant que sur l'album. Là. C'est vraiment cool. Suffocation, ben ça, c'est comme le coup de masse de la veillée. Là. Moi, j'ai trippé ma rette de voir le smile d'en face de ces gars-là, puis le fun qu'ils ont à être ensemble sur le stage pour nous varloper ça bien, bien comme il faut. Plusieurs pièces de Pinnacle of Bedlam, moi, j'ai bien aimé ça. C'était vraiment cool. Là. Bon, moi, en ce qui me concerne, le gagnant de Metal Academy soit Tribunal, et puis On Human, je les ai pas vus, je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé pour Harlow, et un peu comme toi, j'ai trouvé que Harlow avait une gimmick intéressante, c'était assez professionnel ce qu'il faisait. C'est pas nécessairement moi non plus la musique que j'écouterais sur une base régulière, mais j'ai trouvé qu'en show, ça faisait le travail. Puis qu'il y avait une bonne prestation. Oh, oui, effectivement. Beyond Creation, je connaissais pas Beyond Creation, j'en avais entendu un petit peu parler parce que je savais que, bon, Forest faisait partie de ce band, là, ainsi de suite, qu'il y avait, je pense qu'il y a un membre qui était anciennement dans Neuraxis, il me semble. Au début, effectivement, Forrest n'était pas présent sur scène parce qu'il semblait-il qu'il y avait un problème de câble. Donc, je me suis dit, c'est parce que ça paraît pas, là, à part qu'il est pas là physiquement, musicalement, ça paraissait quand même pas vraiment. J'ai trouvé les premières pièces assez intéressantes puis assez puissantes. Forrest est arrivé, je pense, à la troisième pièce, quelque chose comme ça. Mais par contre, par la suite, j'ai trouvé que le style commençait à moins me convenir un peu. Ça devenait un petit peu plus, moi, je trouvais que c'était un petit peu moins original que ce avec quoi ils avaient ouvert la bande. Mmh. Mais c'était quand même un bon spectacle. C'est de très bons musiciens. Ils sont très professionnels, oui. Là. Effectivement. Blackguard, c'est pas la musique que j'aime, mais il faut que je donne à César ce qui est à César. C'est un excellent spectacle live. Il se débrouille très bien. Le frontman est très bon. Il y a de la musique que je déteste beaucoup plus que ça, sans avoir détesté Blackguard, mais c'est pas une musique qui m'attire en tant que telle. Mais j'ai trouvé que c'était un show très professionnel. Jungle Rod, regarde, paf in your face. Qu'en dire de plus? Les gars sont très sympathiques en plus. J'ai pu rencontrer deux, trois coulisses, et puis ils sont très gentils. D'ailleurs, on avait l'occasion de parler un petit peu avec les grands guitaristes blonds quand on les avait à Montréal. Ah, puis le bassiste aussi un peu. Ouais. Ouais. Et le bassiste, j'ai pratiquement pas jasé avec lui. J'ai jasé plus avec le guitariste chanteur. C'est très gentil, très, très gentil. Voivode. Écoute, moi, j'ai vu Voivode à multiples reprises et je dois dire que, au fil du temps, je dois dire que Voivode est maintenant campé vraiment dans son propre style qui lui appartient, qui a même développé quelque part. Et j'ai eu l'impression que les gars étaient très contents de jouer sur scène. Ça, c'était bon. Snake, peut-être un peu moins en forme, peut-être malade, comme tu m'en as parlé. Ça peut qu'il soit qu'il y ait une certaine maladie, je sais pas. Peut-être un peu moins en forme, mais quand même, il s'est bien donné. Et puis, je pense que la chimie est excellente entre les membres. C'était une très, très bonne prestation. Suffocation, je suis un fan de death metal, mais je suis pas nécessairement un grand fan de Suffocation. Et je dois dire que ça m'a laissé comme un peu froid, honnêtement. Mais j'étais complètement fatigué. J'ai pas c'est sûr que rendu à cette heure-là. J'avais une semaine exceptionnelle. Pour des jeunesses comme nous autres, c'est un peu plus difficile. Ouais, c'est sûr. La semaine avait été très demandante sur tous les aspects, donc, j'ai pas insisté pour rester jusqu'à la fin du spectacle. Ce que j'ai vu était correct, là. Mais, tu sais, disons que, moi, pour ma part, après avoir vu Transactor de Morbid Angel, il n'y a plus grand guitariste qui m'impacte dans le death metal sur scène. Le samedi, je vais te laisser y aller parce que moi, j'étais complètement omnibulé par une espèce de virus épouvantablement désagréable, donc je ne suis pas allé à la deuxième soirée. La soirée du samedi était la soirée qui m'intéressait quand même le moins. Parce qu'il y avait juste deux formations que je voulais absolument voir, soit Insurrection et Obituary. J'étais curieux pour Battlecross. Fait que y a Irma Wurz qui a ouvert le bal, ça. C'est un band de hardcore qui vient de Shawinigan. Le chanteur, c'est quand même, t'sais, pour les amateurs de hardcore, j'imagine que ça doit être un très bon band, là, t'sais, professionnel en spectacle, c'est droite, là. OK. Il y a pas de problème avec ça. Très bonne attitude. Ils ont pas d'attitude de fier à bras, souvent associé avec ce style de musique-là, là. Ça, j'ai trouvé ça correct. Le chanteur, il expliquait qu'il était trop core pour jouer dans un show metal, puis trop metal pour jouer dans un show core. Sauf que moi, je cherche encore le côté métal de cette bande-là, puis je le trouve pas, là. Okay. Mais c'est sûr qu'on n'a pas toutes les mêmes définitions du mot métal. Effectivement, non plus, c'est là, encore ça, le c'est, subjectif. C'est cela. Quand même, une très bonne performance, à ce que je peux en juger, n'étant pas un grand fan de ce type de musique-là. Mm-hmm. Insurrection, ils ont embarqué sur le stage, puis ça a comme balayé ce qui s'était passé avant, là. Tu sais, c'est fidèle à eux-mêmes. C'est une destruction totale. Et juste voir Barburo se promener sur un stage, c'est fait. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs. Il y a une très bonne pression. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui sont capables de manipuler une foule comme ça. C'est vraiment impressionnant. Il manquait un guitariste. Martin Sanson n'était pas présent pour X raisons. Ils l'ont bassé d'un guitariste de remplacement, comme pour l'instant, j'imagine. Mm-hmm. Battlecross, ça, je connaissais ça sur album pour avoir entendu les deux derniers. J'avais moins aimé le dernier que l'autre précédemment, puis je savais pas trop à quoi m'attendre en spectacle. Ben, Seigneur, c'est ça varlope en show, c'est très quelque chose. Puis très intéressant de voir comme la suite après Insurrection, ben t'as un autre espèce de grand barbu qui se démène comme un fou sur le stage. Fait que c'était comme une belle continuité. Une très belle continuité. Puis c'était les gars sont énergiques, ça bouge sur le stage, c'est des virtuoses, c'est guitare, c'est vraiment c'est très impressionnant le spectacle, très bon. Le coup de masse du festival, c'est Acacia Strain. OK. Moi, personnellement, je comprends absolument rien là-dedans. Là. Sérieusement, là, j'ai beau. Je suis resté les 30 minutes qui ont joué, 30-35 minutes qui ont joué, à essayer de comprendre le principe de ça, puis je comprends pas encore. Là. OK. Un breakdown de 30 minutes avec des 8 cordes droppées, avec un chanteur qui est en beau, en guillemets. Tabarnak, qui est sur le trip Fuck the World, Fuck Jesus, fuck tout le monde, ouais. Finalement. Je suis enragé, je crie dans un micro sur un breakdown de 30 minutes, puis non, moi, excuse, là, c'est une perte de temps, puis une énergie mal canalisée. Il y en a qui doivent aimer ça, là. J'imagine. Ben, moi, ça. Non, merci. Je pense qu'on m'a écouté du Critopsie à la place 100 fois que ça, là. Mm-hmm. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. D'accord. Shadows Fall, j'avais connu ce band-là avec les deux, trois premiers albums que j'avais appréciés, puis ça s'était dégradé par la suite parce qu'il était devenu beaucoup plus metalcore, tu sais, avec des petites voix un peu plus crémeuses, là. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'aime un peu moins. Ils ont donné un set vraiment solide avec énormément d'anciennes pièces. J'ai trouvé ça très, très, très puissant. Ça veut dire qu'ils ont un excellent frontman. Ah, c'est un méchant capoté. Il a même sauté par de sa clôture pour se laisser transporter par la foule avec son micro, puis il continue à chanter. Lui, il était dans le crowd, puis c'était vraiment très impressionnant avec ses dreads, là, quand il se met à faire la tourniquette, le 360, là, ben, il pourrait laver son plancher très facilement de cette façon-là. Oui, ça a l'air assez impressionnant, ouais. Obituary. J'avais quand même d'énormes attentes avec cette band-là. Je suis resté un petit peu déçu. C'est statique, c'est un band statique. C'est pas rien que la question de statique. C'est le côté que j'avais comme l'impression que c'était très long. Un set très long. Au bout de 35-40 minutes, j'avais mon gros voyage là. Il se passe rien. Non. Il se passe absolument rien sur le stage. C'est souvent comme dans leurs albums d'ailleurs. Hein? Ben, je pourrais pas te dire parce que tu sais, pas un très grand connaisseur, parce que je connais à peu près les pièces que tu passes ici sur divers albums de leur carrière. Mais je m'attendais à quelque chose de plus gigantesque que ça. J'ai trouvé ça ordinaire. Mais tu sais qu'Obituary, c'est un des pionniers de la vague death metal de la Floride. C'est ce qui m'a été expliqué par après. Ouais. C'est que Obituary, c'est dans les premiers bands de death. Puis le death, quand il a été conçu, il fallait que ça soit froid comme ça. C'est glacial. C'est ça. Ben, c'est glacial, mais il reste que dans un mouvement glacial, il peut avoir une certaine coloration à un certain moment donné. Oui, peut-être. Parce que là, il n'y avait aucun contact avec le public. Ça, c'est regrettable, par exemple, quand même. J'avais l'impression, par bout, que c'est un band instrumental. Enlève le chanteur, puis ça changera pas grand-chose, en fin de compte. Ben, tu sais, c'est un band qui a, je veux dire, quand même un certain âge. Ces gars-là se sont séparés pendant un certain nombre d'années avant de revenir, je pense, en 2005 ou 2006 avec Frozen in Time. C'est plus des jeunesses, là, au départ. Mais non, faut savoir ça. Mais il y a des musiciens qui ont la même âge qu'eux, qui donnent des prestations absolument hallucinantes. Mais Obituary, c'est un band qui a toujours été comme très, je dirais, flatliner. Autant studio que live. Je les avais pas vus live. J'étais allé voir beaucoup de clips sur lesquels on peut avoir accès sur le web. Et c'est pas mal tout le temps aussi flatliner. T'sais. Fait que je comprends un peu pourquoi tu me dis que t'avais une certaine attente, puis finalement, ils l'ont peut-être pas comblé, mais ils sont comme ça. Mais c'est ça. C'est ça qui m'a été expliqué par après. Le public, par exemple, ceux qui connaissent Obituary, ils ont tout trippé. Là. Ils n'ont aucun trouble. C'est, comme je te dis, musicalement parlant, moi, c'était bien correct. Il n'y a aucun problème. C'est juste que moi, point de vue spectacle, tant qu'à voir un spectacle demain, il m'a resté chez nous, m'a écouté les albums. Là. C'est ça. Ça donne absolument rien d'aller voir ça en show. Ben, je comprends, absolument. Puis, ben là, j'étais curieux de voir Hatebreed. Parce que moi, c'est vraiment pas mon style de musique. Là. Je le comprends aussi. Ça, et j'aime vraiment pas ça. Mais j'étais curieux de voir c'est quoi la bête en spectacle. Là, ils sont préparés. Là, t'as quelqu'un qui vient faire le soundcheck pour eux autres, des micros, puis tatati, puis tatata. Puis on peut constater que, point de vue de décor, ils ont mis 6 têtes Marshall puis 12 câbles. OK. On va dire, t'as 6 câbles d'un bord, 6 câbles de l'autre bord. Ça, je trouve ça très cool. Ouais. Tu sais, c'est côté old school. Old school, ouais. Tu sais que c'est pas toutes les têtes qui fonctionnent, c'est pas toutes les câbles qui fonctionnent. Mais juste le fait de l'impression en avant, là, ça en jette, là. C'est cool. Ils ont fait une première chanson. Là, j'ai vu les patates se faire ramasser et tout. ils ont fait un début de deuxième chanson. Quand je me suis aperçu que c'était encore le même pattern, la même chose, ben. C'était assez. Juste assez pour moi. J'en avais assez vu, puis j'ai quitté. Mais tu sais que dans un festival, principalement métal, parce que c'est un des styles qui nous tient à cœur, ce qui devient difficile, selon moi, c'est d'être capable de faire une programmation pour aller faire le plus plaisir à plus de gens possible. Moi, je me dis chapeau aux organisateurs du festival, parce qu'ils ont réussi le coup cette année. Là. Absolument. En faisant venir des grosses pointures comme ça, puis en faisant plaisir au plus grand... Ouais. Plus grand nombre de styles de personnes différents. Moi, je le sais. Oui, ça vaut une levée de chapeau. Bonne main d'applaudissement, tiens. Effectivement, ça vaut le cas. Et puis, ça valait la peine de le souligner parce que c'est un travail de longue haleine. Oh, c'est une grosse job. C'est beaucoup de pression à tous les sens du terme. Là, hein? On parle autant au niveau organisation que financièrement. Là. C'est une job pour eux autres qui dure quasiment au-dessus d'un an. Ça peut pas dire au-dessus d'un an, parce qu'on sera encore d'un an à un moment donné. Mais c'est un job de pratiquement 8-9 mois. C'est ça. Mais évidemment, toi et moi n'aimons pas ce que le suffixe core. Donc, au départ, quand il y a des spectacles avec des formations qui donnent dans un core, metal core, ben on n'est pas très réceptif à ça. C'est normal. Mais en contrepartie, peut-être que les gens qui étaient là pour Hatebreed, peut-être les gens qui étaient là pour Akesha Strain, peut-être que eux, Jungle Rot, la veille, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont peut-être pas aimé Voivod, ils n'ont peut-être pas aimé Suffocation et ainsi de suite. Mais c'est le principe du festival. On va faire une petite anecdote. Pendant la prestation de Voivod, il y avait 2-3 calottes, typiques calottes, là, avec les chandails de core. Il regardait le show, puis il regardait le monde, puis il n'avait pas l'air à comprendre. Non, mais probablement qu'il ne savait pas, il n'avait pas connu Voivod non plus. Bref, dans l'ensemble, je pense que le festival a quand même assez bien marché. Oui, c'est un très beau festival cette année. Ils ont eu beaucoup de monde quand même pour la totalité des deux soirs, puis tant mieux, on les félicite parce que, comme on le disait, c'est une grosse job. C'est une grosse entreprise à mener. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trame pour l'année prochaine, j'en ai aucune idée. Je sais pas s'il y a des décisions qui ont été prises de poursuivre l'événement ou non. Je sais que normalement, Jeff et ses... Habituellement, ils montent sur la scène pour l'annoncer. Ils sont montés sur la scène, mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas parlé. Bon, c'est peut-être en discussion, peut-être en réflexion, on sait pas. Bref, ceci étant dit, on va y aller musiquement avec tes choix, mon cher. Ben, je suis rendu là. Ben oui. Eh bien, on va y aller avec une bonne dose de pesanteur de profondeur. On va descendre dans les abysses. D'accord. Avec Crypticon, on aura du Mastodon. Nous aurons Acid Witch. Et Sandwich. Electric Wizard. Alors allons-y tout de suite. Crypticon enshrouds decay. Go. Thank you. Bye. dimanche 20 octobre, au CAPS de l'UQTR. Assistez au match de soccer opposant les Patriotes de l'UQTR et l'Université McGill. Féminin 15h, masculin 13h. Admission 5$. Le soccer des Patriotes, une tradition d'excellence. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Salut, c'est Fred, ton animateur de karaoké le mardi soir à Chasse Galerie. Le lundi 28 octobre, moi et mes chums musiciens, on fait un choix saveur chansonnière après l'impro à la Chasse Galerie. Viens nous voir, tu ne seras pas déçu, oh que non! Tu aimes le québécois, l'anglo, le pop, rock, punk, métal et la bonne bière pas chère. Tu seras encore moins déçu. Notre nom de groupe, Les Prophètes. Pourquoi Les Prophètes? Viens nous voir pour le savoir. Et tu sais quoi? C'est bientôt l'Halloween quand on va être là. Alors déguise-toi ton band préféré et on va donner un pichet de bière à la personne qui sera le plus donné lors de cette soirée. Allez, on t'attend à la Chasse Galerie le 28 octobre prochain à 22h. Yeah! C'est fou. 89-1-1. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM, et ce jusqu'à 22h. Et vous êtes en compagnie de cet ignoble et puant personnage qui est Sinistros, et moi, le charmant Dr. Pendragon. C'est le fun, se lancer des fleurs. Ouais, c'est juste que je sais que tu vas me tirer le pot bientôt. Ça là. S'en vient. Mais je l'y sens plus. Hein. Ok, c'est correct. Faut que je change la grosseur du pot, finalement. Bon. En céramique, ça doit fesser un peu. Hein, oui, effectivement. Ouais. Ça peut avoir un certain impact. Ouais. Et ça peut avoir un certain aspect artistique aussi. Aussi. Oui. Electric Wizard, Venus and Fears, tiré de l'album Black Masses, qui est paru en 2010 sur Rise Above, qui est en fait le dernier album de Electric Wizard, qui est un excellent band d'Angleterre. Acid Witch, avec notre... siphonneux chanteur. Notre siphonneux chanteur et notre guitare sortie tout droit des tuyaux des tuyaux de toilette et de salle de bain, finalement. De l'enfer. De l'enfer, bien sûr. Avec la pièce Into the Cave, c'était paru sur le premier album de la formation qui s'appelle Witchtanic Hallucinations, qui est paru en 2008 sur l'excellent label Hell's Headbangers. Mastodon, avec un succès souvenir, Blood and Thunder, de l'album Leviathan, qui est paru en 2004 sur Relapse. Oui. Et Triptychon, la nouvelle formation de Tom Gabriel Fisher, alias Tom G. Warrior, anciennement de Celtic Frost, avec une pièce qui s'intitule In Shrouds Decay. Et c'est sur le seul et unique album de la formation qui s'appelle Eparis Terras Daimones, qui est paru en 2010 sur Prowling Dead Records. Est-ce que Triptychon devrait ressortir quelque chose studio? Ben, d'après moi, ça sent bien parce qu'ils ont commencé à dévoiler quelques nouveaux pentagrammes et quelques nouvelles petites patentes. D'après moi, le concept visuel est en train de s'élaborer. Okay. D'après moi, ça sent bien. Bon, ben, c'est à souhaiter parce que c'était quand même bien cette sortie d'album. Oui, mais d'après moi, Fisher. Il doit prendre son temps pour... Il l'a pas mal tout le temps pris. Mais pour ne plus jamais se planter la face comme il a déjà fait. C'est peut-être, effectivement. Peut-être que c'est le cas et ce serait sage de sa part de le raisonner ainsi. Est-ce que tu connais la série Boardwalk Empire? Ben, seulement en voyant des previews à Historia. D'accord. Qui me semble une série fort intéressante... Mais je suis divisé avec ma douce à savoir si oui ou non on devrait se lancer dans cette histoire. Mais ne le soyez plus. C'est une excellente série. C'est excellent, d'accord. Oui, c'est très, très bon. Boardwalk Empire, c'est une série de gangsters. À l'époque, ça débute. La prohibition. Ça débute le soir de la prohibition, lorsqu'elle a été établie le premier de l'an. Et en 1920. 1924, je pense, la prohibition. Il faudrait que je vérifie, mais bon. Et c'est l'histoire de Enoch Nuki Thompson, qui, lui, est un espèce de régent de la ville du... Atlantic City. Et qui, lui, fait des petites magouilles à gauche et à droite, et avec des politiciens, avec des personnes d'influence au niveau policier, ainsi de suite, pour être capable d'avoir main basse sur à peu près toute la ville d'Atlantic City. Et de fil en aiguille, quand la prohibition est déclarée par l'État, eh bien, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le terme prohibition, ben c'était l'interdiction de consommer et de vendre de l'alcool. Ce qui a engendré, au contraire, la vente et la consommation d'alcool, oui, de façon exagérée, mais bon. Un peu le même principe que les drogues aujourd'hui. Absolument, c'est oui, le parallèle est bon. Donc, Nuki Thompson dit, ben voilà. Voilà l'occasion de se mettre encore plus dans les poches. Et c'est tous ces magouilles-là, mais qui sont, je dirais, très... très dommageable pour certains d'entre eux et très violente pour certaines. Et c'est côté très mafieux, j'imagine. Absolument, aussi. Oui, tout à fait. Là, mais c'est vraiment les affrontements aussi entre différents clans, différents... Tu peux avoir les Irlandais, tu peux avoir les Siciliens, et ainsi de suite, qui veulent tous avoir leur part de marché. Certains territoires qui sont déjà préétablis. Mais c'est tout ce qui s'ensuit. Puis, la main basse de Nuki Thompson sur cet ensemble-là, parce qu'il contrôle, il est très intelligent, il contrôle excessivement bien tout le monde, de façon admirable. Donc, c'est la suite, c'est la troisième saison de Boardwalk Empire, qui est disponible en DVD en Blu-ray. C'est une série la de... La deuxième ou la troisième? Troisième. Ce qui est disponible à Historia, c'est la première et la deuxième. C'est ça, ouais. Mais la troisième est maintenant disponible aussi. En français aussi? Ouais. Et c'est vraiment excellent. C'est une série de Terrence Winter. Ça met en vedette Steve Buscemi, qui est un excellent acteur, là, qui a vraiment vu, je dirais, son étoile briller plus avec la série de Sopranos. Ouais. C'est un bon acteur tout court, là, faut le dire. Là. Il a vraiment le physique de l'emploi. Donc, moi, c'est une série à laquelle je donne un 8.5 sur 10 parce que c'est vraiment de qualité. Mais c'est pas flamboyant comme un Fringe, par exemple. Okay. Fringe, c'est flamboyant parce que c'est de la science-fiction. Ou comme Game of Thrones, disons. Oui, effectivement, Game of Thrones, selon moi, est supérieur à Boardwalk Empire, mais c'est quand même une excellente saison. Série, pardon. Évidemment, je ne peux pas vous parler de tout ce que je voulais dire, parce que comme je l'ai dit d'emblée en début d'émission, je ne peux pas avoir accès à mes mises à jour, puisque... Internet ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Y'a-tu ça, nous autres, des internets? Écoutez, je vais juste vous parler. Celui-là, je l'ai pas commenté encore, mais je le sais, je m'en rappelle par cœur. J'ai fait un test que j'ai essayé. Ça me faisait penser un peu à du Robert Rodriguez, Tarantino. C'est un film chilien, par contre, je pense. C'est Bring Me the Head of Machine Gun Woman. D'après ce que j'avais vu comme previews, d'après ce que j'avais vu comme résumé, ça faisait vraiment Tarantino hyper violent. Là. Genre de macheté féminine. Exactement. Genre de macheté féminine. Ben, c'est 0 sur 10. Ah, d'accord. C'est du mauvais goût et de piètre qualité qu'on ne peut pas imaginer. C'est vraiment 0-0. Je vais conclure cette petite... La pochette a l'air cool. Par oui, mais en fait, oui, c'est vrai. Et ça avait aussi attiré mon attention parce que, comme tu peux voir, ça fait vraiment les films... Oui, années 70, le ouais. Couleur... Ce qui est vraiment prisé présentement par Rodriguez et Tarantino, des films d'action hyper violents, mais ça fait quasiment un film chinois que la voix ne marche pas avec les lèvres. Quasiment, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ils ne te voient pas, là, au micro. Là, non, ben, toi, tu me vois. Ce que... Oui, c'est déjà suffisant, j'imagine. Je vais conclure cette petite chronique cinéma parce que la semaine prochaine, je devrais être à même de pouvoir vous en faire une meilleure parce que je vais vous parler aussi la semaine prochaine de Elysium. Dans la chronique de film à revoir ou à découvrir, et ça, je suis certain que tu n'as pas vu ça, est-ce que tu connais Edward D. Wood Jr.? Ed Wood. Oui, j'ai vu, c'est comme son film autobiographique. Avec, Voyons, c'est quoi son nom? Johnny Depp. C'est ça. Bon, t'avais-tu apprécié le film? Oui. Bon, c'est un excellent film. Le film Ed Wood, interprété par Johnny Depp, c'est un excellent film, qui raconte l'histoire d'un cinéaste des années 50 qui est complètement farfelu, mais qui a une imagination totalement débordante, mais qui est pas capable de mettre ses choses à terme. Et lui, ben écoute, on peut pas le faire, on n'a pas les moyens, c'est pas grave, on va le faire de nous-mêmes, ça va marcher pareil, ça va faire pareil, tu sais. Mais ça fait des films qui sont vraiment, mais vraiment poche, là. OK, là, c'est de la série spécial cas, là. Tu sais, c'est vraiment poche. Mais ces films-là ont tellement eu, je dirais, au fil des générations, les gens se sont tellement quand même intéressés à ces films-là qu'ils sont devenus un peu cultes. Et même moi, aujourd'hui, il y a certains films de Ed Wood que je trouve comme bon et correct. Et celui dont je vous parle est probablement le plus populaire de ce qu'il a fait de sa vidéographie. C'est Plan 9 from Outer Space, qui est de 1959, qui met en vedette, entre autres, Bela Lugosi et Thor Johnson. Thor Johnson est devenu un de ses acteurs fétiches. Et dans le film, Bela Lugosi meurt dans le film, vraiment, là. L'acteur, en cours de tournage, décède. Donc, c'est de là la pièce de Bauhaus, Bela Lugosi is dead. Ouais. Probablement. Et lui, Ed Wood, dit, ben là, c'est parce que Bela Lugosi ne jouait pas le rôle de Dracula, mais d'un vampire, si tu veux. Tout ça se passe dans un aspect science-fiction spatiale. La pochette est cool. La pochette est très belle. C'est très kitsch. Ouais. Mais tu commences à voir un vampire dans une histoire d'espace. Ouais, ça fait un peu bizarre avec des extraterrestres, mais bon. Mais comme l'acteur Bela Lugosi décède, ben, il se dit, ben là, c'est pas grave, là. On va en prendre un autre qui a absolument aucun aspect de ressemblance physique avec Bela Lugosi. Et comme c'est trop flagrant, ben, il dit, ben, tu garderas ta cape dans la face tout le temps. On te verra juste un peu les yeux. Mais il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de texte à dire, rien. Il fait juste, on le voit de temps en temps apparaître dans le background, c'est tout. C'est un ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Et Plan 9 from Outer Space, c'est quand même, je dirais quelque part, un film qu'il faut voir dans le monde de la science-fiction de série B très moins. Puis, avec cette espèce de connotation-là, est devenu aujourd'hui un film de série B+, pratiquement. Ah, c'est bien. Mais Bela Lugosi, il est mort de quoi? Bela Lugosi, c'était un héroïnomane. Oh! Donc, il a dépéri en vieillissant. Il est mort quand même assez vieux. Oh, ouais, c'est là. Vieux, ouais. Ouais, mais écoute, il avait la santé très dégradée. Ça lui était donné dur pour le corps. Là, donc, puis il est mort dans une espèce de... C'est pathétique un peu. Autant il a été porté au firmament des films du cinéma d'horreur en ayant interprété Dracula en 1931 et quelques séquelles et d'autres films, bien entendu. Je pense qu'il ne l'a pas géré. Puis, il est mort pratiquement seul, ce gars-là. Là. Tu sais, quasiment oublié de tout le monde. Là. Dans un très petit appartement, en plus. Là. C'est un peu pathétique. Ceci étant dit, retournons musicalement maintenant avec mes derniers choix de la soirée, qui sont respectivement un album de Joël Denis. C'est bon, ça. De Martin Stevens. Ça, c'est encore mieux. De Cool and the Gang. Ben, ça, j'arrive pas ça de temps en temps. Ben, t'auras pas le choix parce que, ben, je pense que t'as aimé ça, on n'en pensera pas finalement. On va débuter avec HTS à la pièce Fictitious Glide. Bye. Un moment d'attention, s'il vous plaît, tout le monde. Ben, on a juste une petite nouvelle à vous annoncer. Stéphane pis moi, on va se marier. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi 28 octobre, venez voir les Oranges et les Rouges s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est 21h34, bientôt 35, et l'émission, tranquillement, pas vite, tire à sa fin. Mais jusqu'à 22h, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et ce qu'on vient d'entendre avant la pause publicitaire était ma dernière programmation de la soirée, ce qui va comme si. Meshuga est la pièce Bleed que l'on retrouve sur Obscene, qui est parue en 2008 sur Nuclear Blast. L'excellente pièce de Whole Path, Demon of the Fall, je pense que c'est un peu à propos présentement. Bien sûr. Tiré de l'album My Harm Your Hears, qui est paru en 1998 sur Candlelight. Nous avions Mastodon. Eh oui, une deuxième fois Mastodon pour la soirée avec Trilobite, que l'on retrouve sur Remission. Longue pièce de 6 minutes 29, qui est paru en 2002 sur l'étiquette Relapse. Et nous avions ouvert avec Atheist et la pièce Fictitious Glide, que l'on retrouve sur le très bon album Jupiter, dernière parution de cette formation américaine qui paraît en 2010 sur Season of Mist. Ceci étant dit, spectacles qui sont à venir au niveau des productions BC High Brave Concert International le samedi 16 novembre prochain à 18h30, un spectacle pour tous au Metropolis, en vedette Sepultura, Cataclysm, On Earth, Ancient et Dark Sermon. Il en coûtera 26,9 et 30 et 43 plus taxes pour y assister via Ticketmaster. Et le samedi 30 novembre, au Club Soda, Hailstorm, Trollfest et Gypsy Hawk. C'est à 20h, c'est également pour tous. C'est disponible à la billetterie du Club Soda au coût de 23 et 29 taxes incluses. C'est pas mal ça. Et? Comme à l'habitude, c'est à Sinistros qui est comble de clore cette édition de réanimation. Et ce sera comment? Et je vais te le clore le bec bien comme il faut, avec une espèce de bloc qui va tellement apprécié. Ben oui, hein? J'ai fait exprès aussi. Mais oui, hein? Mais oui, hein? Mmh. Excellent, hein? Je vais m'en rappeler. Et on va finir avec un bloc de black metal. Oh non! Comme si on en passait pas assez souvent à réanimation aussi. Pourtant, je trouve qu'on en passe trop souvent. Mais ça, il faut faire plaisir à tout le monde. Bien sûr. Mais sauf à moi, j'imagine. Ben oui, mais là, c'est toi le souffre-douleur ici, dans ce cas. Alors, je l'apprends. Eh oui, nous allons finir avec Talk, Shooter, Absu, Primordial et Mark Grinning. Allons-y tout de suite avec une pièce tirée de l'album Norex Vapen de 2011. Voici Mir. Go. Talk. Let's go. This is the last ride. Eh oui, on vient d'entendre Absou avec la pièce Amy qui est tirée de l'excellent album Absou et non Abzou, parce que c'est pas le même album. Mm-hmm. Paru en 2009 sur Candlelight, album qui fait partie d'une trilogie de trois finalement. Hein. Ben, tu sais, OK. Dont la prochaine devrait sortir sous peu. Une trilogie de trois. Oui, c'est ça. C'est monté en haut, ça. Ouais, mais tu gardes le obscur, bref. Star Wars, c'est une trilogie de 72. Effectivement. Shoulder avec Slacked, tiré de l'album Legend Helvet, qui est paru en 2011 sur Season of Mist. C'est Talk avec Mir, de l'album Norex Vapen, également paru en 2011 sur Dark Essence Record. Bon, on est sur le dernier sprint. La semaine prochaine, je devrais peut-être avoir un album à vous présenter. Je ne sais pas lequel. J'improviserai comme... Moi, je n'ai pas de présentation spéciale la semaine prochaine. Bon, ben c'est bon. Alors, on va terminer avec une pièce de Primordial que je ne pense pas tellement souvent ici à Réanimation, avec une pièce qui s'intitule Gods to the Godless. C'est tiré de l'album de 2000, Spirit of the Earth Flame. Alors, sur ce... Allez, toujours faire foutre. La semaine prochaine. Go.